Le général de Gaulle a précisé, a dit mieux qu'on ne saurait le faire, dans son discours inaugural de Brazzaville, les raisons qui ont, à ses yeux, justifié la tenue en ce moment-là et en ce lieu-là de la conférence de Brazzaville. Je peux la résumer en quelques mots. C'est que, comme chacun se souvient, la participation de la France à la guerre après la défaite française, sa présence dans la victoire plus tard, était conditionnée, motivée, soutenue, encouragée, rendue possible par la présence des pays africains dans le combat aux côtés du général de Gaulle. S'il n'y avait pas eu le ralliement des territoires africains au général de Gaulle, le général de Gaulle, malgré son courage, sa persévérance, n'aurait été que le chef d'une petite bande de Français se refusant à la défaite, mais n'aurait pas pu incarner aussi pleinement, aussi totalement, aussi efficacement la France comme il en avait le dessein. Lorsque l'on dit du général de Gaulle qu'il a été le grand décolonisateur et qu'on dit de lui cela à partir de Brazzaville, on dit à la fois quelque chose de vrai et de faux. Faux en ce sens qu'à Brazzaville, il n'était pas question d'indépendance ni de décolonisation. Mais vrai, parce qu'à Brazzaville, le ver est rentré dans le fruit. Et que des dispositions de Brazzaville, nonobstant la volonté de ceux qui présidaient la conférence, conduisaient malgré eux C'est à une ça. évolution qui, tôt ou tard, aurait débouché sur l'indépendance. Mais la volonté de l'indépendance ne date pas de Brazzaville. De Gaulle, décolonisateur, c'est après. Mais ce qui a présidé à la démarche du général de Gaulle, c'est le double homme qu'il y avait en lui. Celui qui a la prescience de l'avenir et qui a une prospective politique remarquable, en même temps que le Jacobin, qui est français avant tout et qui veut garder à la France tout ce qu'elle possède. Et c'est ces deux versants du même personnage qui expliquent et la démarche de Brazzaville et les limites de cette démarche. Et qui expliquent après, par réalisme, la décolonisation des années 60. Mais, comme c'est un réaliste, comme c'est un homme qui sait tirer les leçons des événements et de l'histoire, en 60, il n'a pas hésité parce que l'heure était venue. Donc, on peut dire que Brazzaville a été, dans l'histoire de la colonisation française, un grand moment, puisque d'un seul coup, d'un seul, il y avait une ouverture sur une émancipation, assemblée élue, élection à l'Assemblée nationale, les mesures sociales, c'était des faits importants pour l'époque, une page importante, et presque malgré les meneurs du jeu, ça a quand même ouvert les perspectives qui ont débouché dans les années 60 sur l'indépendance. Parce que s'il n'y avait pas eu Brazzaville, peut-être que en 60, il n'y aurait pas eu les indépendances, ça aurait été peut-être plus tardif. Ce que dit Émile Derlin-Zinsou est en effet le point de vue des Africains, point de vue selon lequel tout a commencé à Brazzaville. En effet, à chaud, dès le lendemain de la conférence, les Africains vont distinguer entre la lettre et l'esprit de la conférence de Brazzaville. La lettre, c'est beaucoup de prudence, c'est le refus de l'indépendance, le refus de l'autonomie. L'esprit, c'est l'audace, la volonté de rompre avec 50 ans d'immobilisme. À froid, beaucoup plus tard, on dira que, volontairement ou involontairement, la conférence de Brazzaville aura préparé les grandes réformes des années 1940 et 1950. En tout cas, ce qui, dans l'immédiat, sort de ces débats n'est pas négligeable. C'est la Constitution de 1946 qui crée l'Union française. Jusqu'à cette date, seuls étaient représentés à l'Assemblée nationale française les quatre communes du Sénégal, Saint-Louis, Gorée, Dakar, Rufisque et les trois départements d'Algérie. À partir de 1946, ce sont tous les territoires de l'AOF, tous les territoires de l'AEF ainsi que Madagascar qui sont représentés au Parlement français. Ajoutons d'ailleurs que la Constitution dit de manière explicite que l'objectif de la France est de conduire les peuples colonisés à ce point qu'ils pourront s'administrer eux-mêmes un jour.